إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, on commence tard, j'ai pensé qu'on pourrait continuer un petit peu après l'Isha, si ça ne vous dérange pas, pas longtemps, juste pour terminer le chapitre de Al-Iman ou de Rasul, et puis on commencerait par la suite, la semaine prochaine, Inch'Allah, tout de suite Al-Iman ou de l'Yom al-Akhir, c'est-à-dire la foi en l'après-vie, ou qu'est-ce qui vient après la après la mort ou ce qui vient à la fin du temps. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non? Ok, donc on continue. On va voir jusqu'à où on va arriver, jusqu'à la prière d'Isha. Et puis là où on est rendu, on va calculer. Puis, s'il nous en reste pas trop, s'il ne reste pas beaucoup, donc on pourra terminer peut-être 30 minutes après l'Isha, Inch'Allah. 30 minutes. D'accord? Faire Inch'Allah. Donc, on est rendu à Fatmurus al-Risalat bi'atati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh dit: لقد ختم الله سبحانه وتعالى النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين. وقال: لا نبي بعدي. Et ça c'est deux hadiths qui sont rapportés selon Abu Huraira. Et on va les mentionner au complet, inshallah, bientôt. وذلك يستلزم ختم المرسلين إذ ختم الأعم يستلزم ختم الأخر. ومعنى ختم النبوة بنبوته صلى الله عليه وسلم أنه لا تبدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته. نعم. Donc le Cheikh l'explique, il dit que Allah est venu ou a fait que la prophétie a été terminée et a été complétée et scellée par la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et une des preuves de ça, c'est le verset 40 de Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était le père d'aucun d'entre vos hommes. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu aucun fils qui a survécu. La plupart de ses fils sont morts à un très jeune âge. Il n'a eu que des filles, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de successeur. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui devait se prendre de père en fils par la suite après lui. Comme des gens auraient pu dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu un fils, ils auraient dit, bon, c'est lui qui va continuer à la prophétie ou bien continuer à être son successeur après sa mort. Donc ça, c'est une des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait par sa sagesse pour pas que cette chose-là soit de cette façon. Donc, Allah il dit qu'il n'était le père d'aucun d'entre vos hommes, walakin Rasul Allah wa khatam al-nabiyyin. Mais il a été le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Le dernier, le sceau des prophètes. Celui qui vient sceller et compléter la lignée des prophètes qui sont venus un après les autres. وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين وقال لا نبي بعدي. Donc ça c'est dans un hadith, il a dit je suis le sceau des prophètes, et dans un autre hadith il a dit il n'y a pas de prophète après moi. Et le cheikh il explique que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise qu'il n'y a pas de prophète après lui, ça implique également qu'il n'y a pas de messager après lui. Parce que si Allah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est le khatim de quelque chose qui est plus général, alors ça implique aussi qu'il est le khatim de ce qui est plus spécifique. Et la signification de ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout messager est un prophète, mais pas tous les prophètes sont des messagers. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit que le messager d'Allah est le sceau des prophètes, ça implique automatiquement qu'il est le sceau aussi des messagers, puisque aucun messager n'existe sans qu'il soit en même temps un prophète. Donc s'il n'y a plus de prophètes, automatiquement il n'y a plus de messagers. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? La différence? Ok, comme on avait déjà parlé de ça, c'est qu'un messager, celui qui vient avec un message, qu'il a l'ordre de transmettre à tout le monde et aussi qu'il a une révélation qu'il doit enseigner à un livre. Tandis que le prophète, lui, il peut juste avertir les gens. Il peut juste avertir et annoncer le paradis. Il se base sur la charia d'un autre prophète qui est venu avant. Tandis que le messager, lui, il vient, souvent il amène une nouvelle charia. Parce que, pourquoi c'est important de spécifier ça? Parce que certains des gens de dalal et de bid'a et de kufriani, ils sont venus et essaient de prétendre qu'il y avait un autre prophète qui pouvait venir, un autre messager qui pouvait venir après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple les groupes de ceux qui ont suivi Elijah Muhammad, les groupes des Noirs américains là, aux États-Unis. Ils disent que lui, il est un messager envoyé par Allah pour les Noirs, uniquement pour les Noirs. Donc, ils ont dit, la preuve qu'il peut être un messager après la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah a seulement dit dans le Coran qu'il est le dernier des prophètes, et non le dernier des messagers. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir un autre messager après. Donc, s'ils avaient compris justement que tous les messagers sont des prophètes, ils n'auraient pas dit cette absurdité, hein. أحمدية أو قديانية رشد خليفة لا ننشر نعم كيف تتنسى قدوس celui qui prétend avoir une révélation exactement et ça aussi c'est une réputation étant donné que tous ceux qui prétendent avoir une révélation divine c'est automatiquement qu'il prétend être un prophète. Donc ça vient en même temps réfuter les soufis, qui prétendent qu'ils disent nous ne sommes pas des prophètes, sauf qu'on a des révélations divines. Ou bien qu'on reçoit des communications directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient en plein éveil, en plein jour, il vient, il nous parle, il nous informe de certaines informations de la religion, puis il s'en va. Ou bien il vient, puis. Non, Allah il parle seulement aux prophètes et aux anges. D'accord? Et il ne parle pas directement à tous les prophètes. À certains prophètes il a parlé directement, comme Moussa, mais à d'autres prophètes il parle par l'intermédiaire d'un ange ou derrière un voile ou quelque chose de ça. Comme il dit dans le Coran. Donc le chef il continue, il dit « معنى قتل النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته » Ça signifie là que lorsqu'on dit que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم est le sceau des prophètes, ça signifie qu'il n'y aura pas de nouvelle prophétie, après le prophète صلى الله عليه وسلم, et aucune législation ou sharia qui va, une nouvelle législation qui apparaîtra après sa prophétie. Par la suite, il dit, أما نزول عيسى في آخر الزمان فلا ينافي ذلك لأن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة ولا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا ويكون خليفة لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته وبين أمته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique aussi que le fait que Isa alayhi salam, Jésus va revenir vers la fin du temps, ça ne vient pas en négation de ce, du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que en fait Isa alayhi salam, lorsqu'il va descendre, il va uniquement adorer Allah sallallahu alayhi wa sallam selon la sharia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va laisser sa sharia qui était précédente, la sharia qui était auparavant. Pourquoi? Parce qu'elle est abrogée. La sharia de Isa ou la sharia de n'importe quel autre messager avant, elle est abrogée. Et puis, on ne peut pas adorer Allah sallallahu alayhi wa sallam excepté par la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à notre époque, que ce soit dans les fondements ou dans les branches de cette sharia. Donc, ça veut dire que il sera en fait comme un khalifa ou un successeur de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un des dirigeants parmi les dirigeants de sa religion qui va juger parmi les gens de sa umma. Après le cheikh il continue et il dit فهذا النبي الخاتم للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد بعث بخير كتاب وأتم شريعة وأفضل ملة وأكمل دين جاء بشريعة كافية لحاجة الخليقة في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة وكمل به عقد النبيين فلا نبي بعده. Donc le cheikh il explique, il dit que le prophète est le dernier, le sceau de tous les messagers, que la paix et le salut d'Allah soit sur eux tous, et il a été envoyé avec le meilleur livre, et la charia la plus complète, et la meilleure des religions, et la plus parfaite. Il est venu avec une charia qui est satisfaisante et qui suffit à tous les besoins de la création, dans toutes les époques, et à tous les, dans tous les endroits du monde. Jusqu'à ce que, wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Jusqu'à ce que l'heure arrive. Hein, et, il est venu compléter la chaîne de prophètes qui ont été envoyés. Donc, après lui, il n'y aura aucun autre prophète. Et ça vient aussi réfuter les modernistes. Ceux qui croient que, on est dans une époque au XXe siècle où on ne peut plus suivre la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On doit uniquement suivre, on doit essayer de réformer ou changer la religion pour la rendre en accord avec les règles et les idéologies des gens d'aujourd'hui. Hein? Donc ces gens-là, c'est comme s'ils essaient de faire comprendre aux gens qu'on a besoin d'un autre prophète aujourd'hui. La charia telle qu'elle était descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est plus applicable, elle n'est plus bonne, et plus elle n'est pas, elle répond pas à tous les besoins et toutes les questions de l'humanité aujourd'hui. Donc ces gens-là, leur parole c'est équivalent à nier que la religion d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit satisfaisante jusqu'à la fin du temps. Alors que Allah sallallahu alayhi wa sallam, il connaît le passé et l'avenir. Hein? Allah sallallahu alayhi wa sallam, il sait tout. Donc lorsqu'il a révélé la charia au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si c'était à une époque où la technologie n'était pas évoluée comme elle l'est aujourd'hui, malgré tout Allah sallallahu alayhi wa sallam savait ce qui allait arriver dans l'avenir d'évolution et de développement au niveau technologique et autres, et scientifique. Donc il savait, en révélant la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était dans un milieu très simple et dans un désert, il savait que les règles qu'il allait révéler à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allaient être satisfaisantes et allaient être applicables même à l'an 2000 et même à l'an 3000 s'il faut, jusqu'à ce que Allah sallallahu alayhi wa décide de faire établir le jugement dernier. Donc ça c'est une chose que ces gens-là doivent comprendre, sinon leur parole en réalité c'est une parole complètement en contradiction avec l'islam, c'est une parole de coupe. De penser que la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas applicable aujourd'hui. Donc ça c'est une chose importante parce que ces gens-là disent ça et ils ne réalisent pas qu'en disant ça, il prononce une parole qui les fait sortir de l'islam. Ensuite, le Cheikh dit « Wafi al-Sahihayni wa ghayrihima min hadithi Jabirin ibn Abdullah radiyallahu anhuma an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة زاد مسلم فجئت فقتمت الأنبياء. يعني هذا حديث très intéressant, très important, qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, selon Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit. L'exemple de moi par rapport à l'exemple des autres prophètes qui sont venus avant moi, c'est comparable à un homme qui a bâti une maison et qui l'a parfaite et qui l'a rendue vraiment belle, excepté une brique qui est manquante dans cette maison. Donc, les gens se rassemblent et observent cette maison et observent sa beauté et ils sont étonnés. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils sont étonnés de voir cette maison comment elle est belle et comment elle est bien construite. Mais ils disent, si seulement cette brique manquante était là, si seulement il n'y avait pas cet espace là qui manque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis cette brique. Je suis cette pièce manquante dans cette maison. Et dans une autre narration, selon Muslim, la version de Muslim, il est dit, et je suis venu pour compléter et sceller les prophètes, la prophétie, ou qu'est-ce qui est venu avant les prophètes. C'est-à-dire, c'est une parabole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée aux gens pour leur faire comprendre que c'est lui qui est venu compléter la prophétie, c'est lui qui manquait dans cette construction-là, et c'est lui qui est venu la compléter. Ensuite, il dit, وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى وفيه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Donc c'est dans une autre version aussi dans Sahihayn, aussi dans le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, que dans la même signification acceptée que le hadith dit, les gens se sont mis à circuler autour de cette maison et à s'étonner comment elle est belle et à dire, si seulement cette brique manquante était placée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ana hadi, ana al-labina, je suis cette brique. Je suis le sceau des prophètes. وقال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون رواه البخاري. Donc c'est un autre hadith rapporté par Al-Bukhari dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم dit que les fils de Israël, les fils de Jacob, ou les descendants de Jacob, Israël, c'est les prophètes qui les dirigeaient. Hein. Les prophètes étaient là pour les diriger. Et à chaque fois qu'un prophète mourait, eh ben, un nouveau prophète arrivait pour le succéder. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, acceptez-moi, je suis le dernier des prophètes. Il n'y aura pas de prophète après moi. Innahu la nabiyya ba'di. Il n'y aura pas de prophète après moi. Mais il y aura des khulafa. Il y aura des successeurs, c'est-à-dire des gens qui vont venir pour diriger la umma, mais ce ne seront pas des prophètes. Rawah al-Bukhari, c'est rapporté par al-Bukhari. Wa an Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, قال, Ra'aytu khatiman fi zahri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ka'annahu baydatu hamam. رواه مسلم. C'est un hadith rapporté par Jabir ibn Samura, dans lequel il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un sceau dans son dos. Il dit que c'était semblable à un œuf d'hirondelle. Non, des œufs comme les oiseaux qu'on voit, les perdrix. pigeons, oui, les pigeons, oui. Un œuf, comme l'œuf d'un pigeon. Non. Rawahu Muslim, rapporté par Muslim. Donc, c'était ça qu'il avait ici sur son épaule gauche, et puis, c'était de la taille comme un œuf de pigeon, et on va lire l'explication après que الحافظ ابن حجر العسقلاني يكتب دار الفتح الفتح الباري شيخ الزي قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قال القرطبي اتفقت الاحاديث الثابته على ان خاتم النبوه كان شيئا بارزا احمر عند كتفه الايسر قدره اذا قلل قدر بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد والله أعلم. Donc ça c'est apporté dans Fath al-Bari. Et ça signifie que le Hafiz a dit dans Al-Fath, il a rapporté la citation de l'imam Al-Qurtubi qui disait que les hadiths qui sont authentiques sont tous en accord pour dire que le saut de la prophétie était une chose qui était sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était comme une, un genre de, comment on dit, une tétine ou quelque chose comme ça. Non, pas une tache de naissance. C'est quelque chose vraiment, un morceau qui sort là, un morceau de chair rouge, qui sort. Comme une tétine. Oui, c'est ça. Comme un morceau de chair qui sort. Si il est, quand il était à son plus petit, des fois il était plus bas, des fois il grossissait. Et quand il était petit, il était de la forme d'un œuf, la grosseur d'un œuf de perdrix. Et parfois, avec le salat, et parfois il grossissait et devenait de la forme d'un poing ou d'une main lorsqu'elle est fermée. Et le chef dit wallahu a'lam. Après, il mentionne encore en disant wa qala al ulama rahimahumullah as-sirru fi dhalika anna al qalb fi tilka al jiha. Si le secret dans ça, c'est que le cœur est de ce côté-là, du côté gauche. Et un autre alim, il mentionne aussi, il disait qala as-suhayli rahimahullah wudi'a khatim an-nubuwwa 'inda katifihi sallallahu alayhi wa sallam li'annahu ma'sumun min waswasati ash-shaytan. وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. Donc As-Suhayli il disait que Khatm al-Nubuwa il a été mis sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épaule gauche. Pourquoi? Parce qu'il est infaillible et il est protégé contre les soupirs du shaitan qui vient pour soupirer des suggestions mauvaises dans l'oreille des êtres humains par ces côtés-là. Donc c'est de ce côté-là que le shaitan entre. Donc c'était pour c'est ça le chef, il explique cette chose de cette façon en disant que le khatim il était de ce côté là et c'était comme pour montrer qu'il est masoum. Ensuite il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir et il dit قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له وقد أخبر الله تعالى تبارك وتعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلم أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل فلو تخرف وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلانس والنيرنجيات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى الله تعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختم أو يختم يختم بالمسيح الدجال. فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء أو يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع أي الكذابون لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتقاء أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكونون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. Donc ça c'est la citation de l'imam Ibn Hajar, et pour résumer il explique, il dit: ça fait partie de la miséricorde d'Allah SWT pour ses serviteurs qui leur a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un honneur pour lui qu'il a été le dernier des prophètes et des messagers, et qu'il a complété par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa religion, et qu'il a et que Allah a informé dans son livre, et que le prophète a informé dans la sunna qui est mutawatira, c'est-à-dire rapportée par un grand nombre de personnes, qu'il n'y aura aucun prophète après lui, pour que les gens sachent que toute personne qui prétend d'atteindre ce niveau, c'est-à-dire d'atteindre la prophétie, alors c'est un menteur, un inventeur, un dajjal, un faux messie, un faux prophète, un égaré et qui veut égarer les autres. Et même s'il vient avec toutes sortes de trucs, de magie ou de toutes sortes de trucs comme des talismans ou d'autres trucs qu'il peut venir avec comme de la sorcellerie pour essayer de venir tromper les gens avec ces trucs-là. Donc toutes ces choses-là sont des égarements pour les gens qui ont compris et qui possèdent une tête et un cerveau. Ils sont capables d'observer, de voir que ces gens-là, ces faux prophètes-là, sont des charlatans, des menteurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait, par exemple, montrer l'exemple de Al-Aswad al-Anafi, un autre des faux prophètes qui sont venus après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Al-Aswad al-Anafi. Et aussi, lui, il venait du Yémen. Il s'est prétendu prophète. Et il y a aussi Musaylama al-Kazzab, qui est venu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'est prétendu être, et qui l'a prétendu aussi lui être un prophète, et qui venait de Al-Yamama. Par la suite, il y a eu aussi Najah, une autre femme qui était avec Musaylama, en fait, qui s'est mariée avec elle. Et puis, Musaylama s'est mariée avec Najah, je vois que c'est Najah. Et par la suite, les Sahaba les ont combattu, ces gens-là, hein, comme étant des apostats. Et puis, Musaylama, il est mort, et puis Sajah, elle s'est repentie, puis elle est revenue à l'islam. Donc, ça c'est l'histoire de ces faux prophètes-là, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, le chef, il dit par la suite que ça c'est leurs trucs et leurs mensonges sont clairs pour les gens qui possède la compréhension et qui possède une intelligence, et ces gens-là ils ont la malédiction d'Allah sur eux, ainsi que toute personne qui prétend être un prophète jusqu'au jugement dernier. Et le dernier qui va venir terminer la série des faux prophètes, hein, ce sera Ad-Dajjal, celui qui va venir dans la fin des temps. On va en parler bientôt quand on va parler du sujet de l'iman du yawm al-akhir, wa alaykum salam. Quand on va parler de la foi au jour dernier, on va expliquer les signes les signes du jugement dernier, et parmi les signes du jugement dernier, on va parler de Dajjal en détail, inshallah. Après, le cheikh il dit, donc tous ces faux prophètes-là et ces menteurs-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils ont, par exemple, certaines choses avec eux qui font que les savants et les croyants sont capables de voir leurs mensonges, les mensonges qu'ils amènent. Et ça, ça fait partie de la miséricorde et de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures. Parce que, en réalité, les faux prophètes et les menteurs, ils n'ordonnent jamais le bien et ils n'interdisent jamais le mal, excepté si c'est pour une chose, pour se protéger eux-mêmes, ou bien pour une autre intention ou une autre raison. Et la réalité, c'est que leur but fondamental, c'est le mensonge et la perversité dans leurs paroles et dans leurs actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, est-ce qu'on va vous informer à qui les shayatines, sur qui descendent les diables? Les shayatines, ils descendent uniquement sur les mensonges, les gens qui inventent des mensonges et qui sont pécheurs. تنزل على كل أفاك أثيم الإفك celui qui est affaq, c'est celui qui invente beaucoup de ifk, c'est-à-dire beaucoup de faux mensonges, de fausses histoires. Athim, c'est-à-dire un pêcheur, quelqu'un qui fait beaucoup de ism, yani affaq. Après le chef, il continue et dit, هذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم في غاية الصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولون ويأمرون وبه وفيما يأمرون به وينهون عنه ومع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين البارهات الباهرات فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأرض والسماوات. Donc le cheikh explique, il dit que ça c'est contrairement à l'état des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on voit chez les prophètes qu'ils sont ils sont complètement sincères et droits et bien guidés et qu'ils sont sur la guidance et la justice et ils ordonnent dans tout ce qu'ils ordonnent et dans tout ce qu'ils interdisent et ils sont supportés et aidés par toutes sortes de miracles et de preuves claires et des évidences que Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de faire pour prouver la véracité de leur message, alors que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur eux de façon continuelle juste tant qu'il y aura les cieux et la terre. Par la suite, le chef, en fait ça c'est la fin de la citation de Ibn Kathir dans son tafsir. Tout ça c'était les paroles d'Ibn Kathir, et là le chef Al-Fawzan il continue et il dit ليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكمال شريعته ووفائها بحاجة البشرية. نعم. Donc le cheikh il dit, les hommes n'ont pas besoin d'avoir la venue d'un autre prophète après Muhammad صلى الله عليه وسلم à cause de la perfection de la sharia qu'il a amenée. Et parce que cette charia, elle a été capable de répondre à tous les besoins de l'humanité. وما عسى أن يقتضي بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. Et qu'est-ce que ça implique qu'on dirait que qu'est-ce qu'impliquerait le fait de dire qu'un nouveau prophète viendrait après Muhammad صلى الله عليه وسلم. وإن قيل إن الأمة قد فسدت فالعمل على إصلاحها يحتاج إلى بعثة نبي جديد. قلنا هل بعث نبي في الدنيا لمجرد الإصلاح حتى يبعث في هذا الزمان لمجرد هذا الغرض؟ إن النبي لا يبعث إلا ليوحى إليه، ولا تكون الحاجة إلى الوحي إلا لتبليغ رسالة جديدة أو إكمال رسالة متقدمة أو لتطهيرها من شوائب التحريف والتبديل. فلما قضت كل هذه الحاجات إلى الوحي بحفظ القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإكمال الدين على يده صلى الله عليه وسلم لم تبقى الحاجة الآن إلى الأنبياء وإنما هي إلى المصلحين. انتهى كلامه بتصرف يسير من الرد على القديمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le chef nous dit, et si des gens disaient, ah mais aujourd'hui les gens sont corrompus et il faut que un nouveau prophète vienne pour essayer de réformer l'état des gens, le chef nous dit, on leur répondrait en disant, est-ce que dans le passé, Allah Ta'ala avait suscité un prophète uniquement pour réformer la corruption des gens? Et donc aujourd'hui on aurait besoin de ça uniquement pour ce but-là, c'est-à-dire dans le but de réformer la situation dans laquelle les gens sont aujourd'hui. Le chef il explique, il dit que le prophète est uniquement envoyé dans le but qu'on lui révèle une révélation. Hein, et le but de cette, révélation-là est uniquement dans le but de faire transmettre le but pourquoi cette révélation-là est venue, c'est dans le but que ce message-là soit, un nouveau message soit envoyé, ou bien pour parfaire un message qui était là auparavant, ou bien pour le purifier de toutes sortes de transformations ou de déviations qui sont apparues dans le message précédent. D'accord? Donc ça veut dire que si, comme dans ce cas-là, il explique que c'est trois raisons pourquoi il y a un prophète. Il dit, la première raison, c'est pour qu'il soit, pour qu'on lui révèle une révélation. C'est pour ça que Allah envoie un prophète. Donc, les causes pourquoi on aurait besoin d'un nouveau prophète, il dit, c'est soit si pour amener un message nouveau. Et ça, on n'en a pas besoin. Soit pour compléter un message qui était là ou le parfaire un message qui était là auparavant. Et ça, c'est pas nécessaire non plus, puisque la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est déjà parfaite. Ou troisièmement, pour la purifier de déviations et de déformations qui sont apparues à l'intérieur. Et ça aussi, c'est pas nécessaire, puisque le message a déjà été purifié et protégé contre toute forme de déformation et déviation. Donc le cheikh dit, salam ma fadat kullu hadhihi al-hajat ila al-wahy bi hifz al-Qur'an wa as-sunnah. Donc, étant donné que tout ça, ça a été, le Coran et la Sunna a été protégé, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle révélation après la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et étant donné aussi que la charia et la religion a été complétée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc on n'a aucun besoin pour un nouveau prophète aujourd'hui. Et en fait, la question de réformation ou de ramener les gens au bien, eh bien ça c'est laissé aux muslihin, c'est-à-dire aux ulama et aux gens qui appellent les gens à revenir à la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à la charia. Par la suite, le chef il dit, وَقَدْ أَعْلَنَ اللَّهُ خَتْمَ النُّبُوَاتِ وَالرِّسَالَاتِ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam فِي قَوْلِهِ ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait savoir à tout le monde que la fin de la prophétie et la fin de tout le message est avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier d'entre tous les prophètes et les messagers, comme il est dans le verset qu'on a mentionné au tout début, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau de tous les prophètes, et Allah sallallahu alayhi wa sallam est connaisseur de toutes choses. Par la suite, le cheikh il continue et dit, « وَمِنَ الْبَدِيهِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْإِعْتِرَادِ أَنَّ اسْتِمْرَارَ بَقَاءِ الْقُرْآنِ الْحَاوِي بِشَرِيعَتِهِ وَأَحْكَامِهِ أُسُسَ مَطَالِبِ الْبَشَرِ التشريعية كلها محفوظا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع استمرار بقاء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المبينة لمعاني القرآن صحيحة ثابتة هو بمثابة استمرار وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فينا على قيد الحياة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Donc le chef il explique et il dit, et c'est élémentaire, c'est une chose élémentaire qui n'accepte aucune opposition ou aucune négation ou aucune contestation, que le Coran reste avec nous, est encore là présent, et que ses règles et ses législations sont là pour répondre à tous les besoins de l'humanité, et que le Coran est protégé et complètement bien gardé contre toute forme de changement. Et aussi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa sirah, qui clarifie les significations du Coran, elle est authentique, et cette sunna elle est authentique, et elle est établie, et le fait qu'elle reste, et que le Coran et la sunna restent avec nous aujourd'hui, c'est équivalent à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté vivant avec nous jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَأَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous divergez en quoi que ce soit dans vos affaires, alors ramenez-le, rapportez-le à Allah et à son messager. Le cheikh il continue, il dit, وَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ هُوَ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته وبذلك قد أصبح العالم بغنية عن بعث الأنبياء عن بعث أنبياء وإرسال رسول وتجدير شرائع الناس بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه لأنه لو بعث الله رسولا وأنبياء فلن يحدثوا شيئا ولن يزيدوا على ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أسس في العقيدة أو في التشريع فقد أكمل الله الدين وأتم الشريعة حيث يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh il dit, le fait de ramener, comme Allah dit dans le Coran, si vous avez une divergence en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. Donc il dit, le fait de le ramener à Allah, c'est de le ramener au Coran. Et le fait de ramener la divergence au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, c'est de le ramener à sa sunna. C'est-à-dire, maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vivant avec nous, donc on ne peut pas retourner si on a une divergence, on ne peut pas aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de régler cette divergence qu'on a entre nous. Sauf que sa sunna, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est encore aujourd'hui avec nous. Donc, on doit, le fait de retourner la divergence au messager d'Allah, c'est de la retourner à sa sunna. Et le chef il dit que si aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala envoyait d'autres messagers ou d'autres prophètes parmi nous, eh bien en fait il ne rajouterait rien de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà amené, et il ne rajouterait rien du tout à ce qu'il a apporté, que ce soit dans l'aqida ou dans les règles de la sharia, parce que la sharia a été déjà complétée et elle a déjà été parfaite, donc le chef il mentionne le verset dans lequel Allah il explique que aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et je l'ai complété, j'ai complété mes bienfaits sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc ce verset là il vient pour nous dire que la religion d'Allah elle est claire, elle est complète, elle est parfaite, et il n'y a rien qui est nécessaire d'être rajouté à cette religion là et à cette sharia. الشيخ دي وإن كان الغرض من إرسال الرسل هو نشر هذه الرسالة ودعوة الناس إليها فهذه وظيفة العلماء ووظيفة علماء المسلمين فعليهم أن يقوموا بتبليغ هذه الدعوة للناس فمن ادعى عدم ختم النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو صدق من يدعي ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام ولهذا حكم الصحابة على من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالردة وقاتلوه هو وأتباعه وسموهم بالمرتدين وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين سلفا وخلفا. Donc le cheikh il dit que étant donné que il dit, si le but d'avoir envoyé des prophètes et des messagers était de faire transmettre le message et d'appeler les gens à ce message. Et ça, aujourd'hui, c'est la, c'est le travail des ulama des musulmans. C'est le travail des ulama de faire ce travail-là aujourd'hui. C'est le travail des ulama de transmettre l'islam et d'expliquer aux gens le message d'Allah. Donc, ils doivent prendre leur, la responsabilité de transmettre cet appel pour les hommes. Par la suite, il dit, et celui aujourd'hui qui prétend que la prophétie n'a pas été complétée ou terminée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui croit en celui qui prétend cela, alors il est murtad, c'est-à-dire il est un apostat, c'est-à-dire il a quitté l'islam, il a quitté la religion de l'islam. Et c'est pour ça que les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont déclaré toute personne qui prétendait être un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont déclaré comme étant un murtad. Et ils l'ont combattu, lui et ceux qui l'ont suivi, et ils les ont appelés des murtadines. Et ça, c'est ce que tous les savants des musulmans se sont rassemblés et sont tous d'accord à ce sujet-là, que ce soit parmi les salafs, c'est-à-dire les gens qui ont précédé, les premiers musulmans, ou les khalafs, c'est-à-dire ceux qui sont venus par la suite. Donc, avec ça, on termine ce chapitre. On va faire Salat al-Isha, Inch'Allah. Et puis après la Salat, on va terminer le chapitre, la partie qui reste. Et puis on pourra la semaine prochaine continuer avec le reste, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Donc on continue. Le chef il dit الحكمة في ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. La sagesse d'avoir terminé la prophétie par Mohammed صلى الله عليه وسلم. وكانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة للنبوات لأنه بعث إلى الناس كافة إلى يوم إلى أن تقوم الساعة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Donc ça, c'est le chef, il commence et il dit que la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venue pour terminer et compléter la prophétie, toutes les prophéties. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les hommes jusqu'au jugement dernier, jusqu'à l'heure finale. Et il mentionne des versets dans lesquels Allah sallallahu alayhi wa sallam explique que nous avons envoyé uniquement, ou nous avons envoyé pour toute l'humanité, comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment douloureux pour ceux qui ont mécru, mais la plupart des hommes ne savent pas. Et dans un autre verset, il mentionne et il dit, nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Dans un autre verset, Allah SWT il dit, béni soit celui qui a envoyé Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Et dans un autre verset, « Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a »« Ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous, sans exception. » Dans un autre verset, après le cheikh il continue, il dit, « Wa idh kanat risalatuhu ammatan linnas, fala budda an takuna shari'atuhu kamilatan shamilatan limasalih al-bashar, la yahtaju ma'aha إلى شريعة أخرى. نعم. لا يحتاج معها إلى شريعة أخرى وبعثة نبي آخر. كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Donc le chef dit, la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un message pour tous les êtres humains, toute l'humanité. Et donc, étant donné que c'était le cas, étant donné que c'était la révélation pour toute l'humanité, il fallait que cette charia, elle soit parfaite et complète pour tous les besoins de l'humanité et tous les êtres humains. Et donc, on n'a pas besoin avec cette charia d'une autre charia ou d'un autre prophète qui vient après pour compléter quoi que ce soit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai accompli pour vous votre religion, j'ai complété pour vous votre religion. Et je l'ai complété, et j'ai complété mon bienfait sur vous, et j'ai agréé comme religion pour vous l'islam. Et dans un autre verset, Allah SWT dit, et j'ai révélé sur vous le livre pour clarifier toutes choses, et comme une guidance, et une miséricorde, et une annonce d'une bonne nouvelle pour les musulmans. Pour les musulmans. Et dans un autre verset, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Allah SWT a révélé le livre en vérité pour venir confirmer ce qui avait été révélé auparavant comme livre et aussi comme muhaymin, c'est-à-dire qui vient prendre le dessus sur tout ce qui avait été révélé avant. Donc le Coran il vient comme un muhaymin, il vient et il prend le dessus, c'est-à-dire il vient abroger tout ce qui a été été révélé avant. Hein? Et après, il mentionne, le cheikh Al-Fawzan, il mentionne une parole d'un autre cheikh qui dit, في رده على القديانية, une des personnes qui a fait une réputation des قديانية. Il dit, نحن إذا تتبعناه, أي القرآن, بغية أن نعرف بغاية أن نعرف الأسباب التي لأجلها ظهرت الحاجة إلى إرسال نبي في أمم الأرض علمنا أن هذه الأسباب أربعة. Donc le chef il dit que si on regarde dans le Coran pour essayer de comprendre c'est quoi les causes qui ont amené Allah SWT à envoyer des prophètes ou des messagers à des différentes nations sur la terre, on découvre qu'il y a quatre causes ou quatre raisons pour lesquelles Allah SWT a fait envoyer un prophète à ces nations. La première cause, كانت هذه الأمة قد جاءها من الله نبي من قبل كانت هذه الأمة ما جاءها من نبي من الله نبي قبل من قبل ولا كان لتعاليم نبي مبعوث في أمة غيرها أن تصل إليها. Donc la première cause, c'est que cette nation, elle n'avait reçu aucun messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était pas possible pour cette nation ou ce peuple de recevoir le message d'un autre peuple. C'est-à-dire, si par exemple un peuple n'a pas reçu de messager, mais qu'il y a un autre peuple qui a un autre endroit qui a reçu le message d'un messager, mais ce peuple-là sont pas capables d'atteindre l'autre peuple pour leur dire qu'est-ce qu'ils ont appris de leur prophète, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur envoyait un prophète à eux spécifiquement par la suite, étant donné qu'il n'y avait pas de communication entre ces peuples-là à cette époque. Donc le chef il dit, كانت هذه الأمة ما جاءها من فسئن ديكور. La première cause, c'est qu'il n'y a pas de prophètes qui sont venus à ce peuple. La deuxième cause, كان قد أرسل إليها نبي من قبل ولكن كان تعليمه قد انمحى او لعبت به يد النسيان او التحريف حتى لم يعد بامكان الناس ان يتبعوه اتباعا كاملا صحيحا. Donc il dit le cheikh que le prophète a été envoyé, la deuxième cause c'est qu'ils ont reçu un prophète auparavant, mais les enseignements de ce prophète là ont été effacés ou bien les certaines mains ont joué avec et ils ont essayé de dévier le message de ce prophète-là. Donc les gens ne sont plus capables de le suivre d'une façon correcte et parfaite et complète. Donc ça c'est une deuxième cause pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes aux gens. La troisième cause, كان قد أرسل إليها نبي من قبل ولكن تعاليمه كانت ولكن تعاليمه ما كانت شاملة لمن تأتي بعده وافية لمطلبات عصرهم فأحلت الحاجة إلى المزيد من الأنبياء لإكمال الدين. Donc la troisième chose c'est que ces gens-là ils ont reçu un prophète mais ses enseignements n'étaient pas complets et ils ne pouvaient pas répondre à tous les besoins de tous les besoins et les règles qu'ils avaient besoin de connaître pour leur époque. Donc ils ont eu besoin d'autres prophètes pour venir leur clarifier les choses qui n'étaient pas claires de la religion parce que le message n'avait pas été donné d'une façon complète, comme par exemple au temps de pour les prophètes qui sont venus à Bani Israël. Chaque prophète venait pour leur peuple en particulier, ou les gens avant les prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils venaient tous pour un peuple en particulier et ils n'étaient pas faits pour rester pour toujours. Comme par exemple, le message de Isa alayhi salam, c'est pas un message qui avait été fait pour dans le but que son message reste jusqu'à la fin des temps. C'était un message qui était spécifiquement pour les gens de cette époque, de son époque et pour appeler Bani Israël en particulier. Et les chrétiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce message-là et ils ont essayé d'en faire un message pour tous les êtres humains et pour toutes les époques. Et c'est pour ça qu'on voit, qu'on a vu par la suite que la religion du christianisme et les enseignements de Isa ne répondent pas à tous les besoins de l'être humain pour les règles de la vie de tous les jours et pour les autres aspects de la vie en société. Alors à cause de ça, ils ont été obligés d'inventer d'autres règles et d'autres lois pour essayer de compléter qu'est-ce qui n'était pas expliqué dans leur religion. Et donc, ça nous montre en réalité qu'est-ce qui arrive lorsqu'on prend un message qui est réservé à une religion, à un peuple en particulier, et qu'on essaie de l'appliquer d'une façon universelle, ça peut pas fonctionner. D'accord? Ça, c'est une des différences qui est avec l'islam, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour tout l'humanité. Et ces lois, les lois que Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a révélées, c'est des lois qui répondent à tous les besoins et à toutes les questions que les gens ont jusqu'au jugement dernier. Et il y a à l'intérieur de cette religion-là les règles de l'héritage, les règles du commerce, les règles du mariage, les règles du divorce et tous les autres aspects aussi de jugement en termes de punition pour le crime ou pour d'autres situations qui peuvent se produire, les règles de la guerre, les règles de la paix et tous les autres aspects de la vie des êtres humains. Donc ça montre que la religion de l'islam, elle n'est pas comparable aux autres religions qui ont été, ou les autres messages qui ont été amenés auparavant. Et étant donné que ces quatre causes pour lesquelles le chef a mentionné les quatre raisons pour lesquelles il y a un besoin d'envoyer un message, elle s'applique, aucune d'entre ces causes et ces raisons-là ne s'applique à la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La religion, elle est complète. Donc la quatrième, c'était que وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهَا نَبِيٌّ وَلَكِنْ كَانَتِ الْحَاجَةُ تَقْتَضِي أَنْ يُرْسَلْ مَعَهُ نَبِيٌّ آخَرْ لِتَصْدِيقِهِ وَتَأْيِيدِهِ. Donc c'est que ils ont reçu un prophète, mais ce prophète ou ce message avait besoin d'un autre prophète avec lui dans le but de le confirmer et de le supporter. Comme par exemple, Moussa alayhi salam, lorsqu'il était, Allah l'a envoyé à Pharaon, mais il avait besoin de son frère Haroun pour le supporter dans ce travail. Donc, il a eu avec lui son frère Haroun. Et aussi les prophètes dont on entend l'histoire dans Surat Yassin, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé et il leur a envoyé un messager et ils ont traité ce messager-là de menteur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un deuxième et par la suite même un troisième. Fa'azzaznahu fi thalithin. Donc c'est-à-dire il les a renforcés par un troisième même, et non un troisième messager. Et malgré tout, ces gens-là avaient refusé de croire. Donc le chef il continue et dit وَكُلُّ سَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابَ الْأَرْبَعَةِ قد زال بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا حاجة للأمة الإسلامية ولا لأية أمة أخرى في العالم إلى أن يرسل إليها نبي جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله في كتابه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لهداية الناس عامة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Donc, tous les causes qui peuvent mener ou qui peuvent faire que les gens ont besoin d'un nouveau prophète, toutes ces causes-là sont complètement enlevées ou annulées par la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les gens n'ont pas besoin d'un autre prophète par la suite. Et aucun autre peuple dans le monde non plus n'a besoin d'avoir un prophète. On n'a pas besoin de nouveaux prophètes parce que la religion a été clarifiée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les êtres humains sur la terre. Après le cheikh dit wa ayman mimma yadullu ala alayhi tariq al hadara fi al dunya anna al dhuruf fi al alam ma zalat munzu bi'thatihi sallallahu alayhi wa sallam wa la tazalu muhay'an بحيث من الممكن أن تصل دعوته إلى كل سقع من أصقاع العالم وإلى كل أمة من أممه فلا حاجة بعد ذلك إلى نبي جديد إلى أمة من أمم الدنيا أو سقع من أصقاعها فبذلك قد زال السبب الأول. Donc, parmi les raisons aussi qui fait que on n'a pas besoin d'un autre prophète aussi, c'est que aujourd'hui, avec les, lorsqu'on a vu après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, toutes les causes et toutes les raisons qui ont fait que les gens avant étaient, séparés et divisés, eh ben, aujourd'hui, c'est possible que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam atteigne tous les peuples et toutes les nations, sur la terre. La façon que le monde est fait aujourd'hui, c'est très facile de communiquer entre les peuples et de transmettre un message entre toutes les nations et tous les pays sans beaucoup de difficultés. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un autre prophète dans le monde aujourd'hui, dans un autre endroit du monde ou quelque chose de ce genre. Et le Cheikh dit « وَمِمَّا يُشْهِدُ بِهِ الْقُرْآنَ أَوْ يَشْهَدُ بِهِ الْقُرْآنَ كَذَلِكَ وتؤيده عليه ذخيرة كتب الحديث والسيرة أن التعليم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا محفوظا على صورته الحقيقية ولم تلعب يد النسيان ولا التحريف والتبديل. أما الكتاب الذي جاء به فما وقع التحريف ولا النقص ولا الزيادة في أي حرف من أحرفه ولا من الممكن أن يقع إلى يوم القيامة. Donc le chef il mentionne aussi l'exemple que le Coran et la Sunna, les deux ont été préservés. Et donc il n'y a pas personne qui a joué avec et pour être capable de le déformer ou de le dévier ou de changer le sens. Et en même temps aussi le Coran, yani, c'est pas possible de rajouter ou d'enlever quoi que ce soit dedans, même pas une lettre. Et donc ça va rester comme ça jusqu'au jugement dernier. Après le chef il dit أما الهداية التي أعطاها للناس بأقوالهم وأفعالهم فإنما نجد آثارها حتى اليوم حية مصونة فإننا أمام شخصه صلى الله عليه وسلم وفي زمانه وبذلك قد زال السبب الثاني. Donc la guidance elle a été donnée aux gens par ses paroles et ses actions, c'est-à-dire les actions et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on les trouve dans les récits et dans les hadiths et années jusqu'à aujourd'hui, comme si on était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que la deuxième cause elle a été éliminée. ثم إن القرآن لا يصرح كذلك بأن الله تعالى قد أكمل دينه بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم فبذلك قد زال السبب الثالث أيضا. Donc Allah سبحانه وتعالى nous dit que le Coran nous dit que Allah سبحانه وتعالى a complété sa religion par le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc la cause 3, la troisième cause aussi elle est éliminée. ثم إن الحاجة لو كانت تقتضي إرسال نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لتأييده وتصديقه لأرسل في زمانه صلى الله عليه وسلم فبذلك زال السبب الرابع أيضا S'il y avait, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu besoin d'une autre personne pour le supporter dans son message, il l'aurait envoyé à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça vient annuler même et enlever la troisième cause. Et le chef, il continue, il termine en disant, فَإِلِّ سَبَبٍ خَاصٍ مِنْ بَعْدِ زَوَالِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ انتهى المقصود من كلامه. Donc, il dit, et quelle est la cause après qui peut venir pour enlever, quelle autre chose après ces quatre, après qu'on ait éliminé ces quatre causes-là dont on a parlé. Donc, il n'y a aucune autre cause qui reste, qui nécessiterait qu'on nécessiterait ou qu'on aurait besoin d'un dernier ou un autre prophète. À la suite, là, il reste juste de parler d'un dernier sujet que le cheikh a mentionné, c'est Karamat al-Awliya. Donc si vous voulez, on laisse ça pour la semaine prochaine, ou bien on termine aujourd'hui. On termine? Ok. Donc Karamat al-Awliya. كنا قد تكلمنا عن آيات الأنبياء والفرق بينهما وبين خوارق السحرة والكهان وعجائب المخترعات الحديثية أو الحديثة وما لها من الآثار وسنتكلم إن شاء الله عن كرامات الأولياء لأن لها ارتباط وثيقا بآيات الأنبياء ونبين الفرق بينها وبين خوارق السحرة والمشعوذين أيضا فنقول أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل بقدر إيمانه وتقواه وقد يظهر الله على يديه من خوارق العذاب وهي ما يسمى بالكرامات. Donc le cheikh al-Kamas dit الكرامات الأولياء. Qu'est-ce que ça signifie كرامات الأولياء? On peut dire que ça veut dire les miracles, les prodiges des gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awliya, c'est-à-dire les alliés ou les rapprochés, les gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, nous avons parlé précédemment au sujet des miracles des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et la distinction entre ces miracles et les trucs et les trucs des magiciens et des gens de bonne aventure ou des gens qui prétendent connaître l'avenir. Et on a montré aussi la distinction entre ça, aussi les nouvelles technologies qui ont toutes sortes d'effets incroyables. Et on a montré donc la distinction entre ça et les miracles des prophètes. Et aujourd'hui, on va parler, incha'Allah, des miracles, des prodiges des gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ça a un lien très clair et direct avec les signes des prophètes. Et on va expliquer aussi, clarifier la différence entre ces prodiges ou entre ces miracles et les choses que les magiciens et les charlatans font pour tromper les gens et les amener dans l'égarement. Donc le chef il explique, il dit, qui sont les awliya, qui sont les rapprochés d'Allah, comme certains traduisent le mot comme étant les saints, hein, awliya. Donc on sait que ce terme-là, on le traduit comme étant des saints, mais en réalité, dans l'islam, il y a cette notion de sainteté, là, elle n'existe pas, dans la même façon qu'elle existe dans le christianisme. Dans le christianisme, si le pape décide de canoniser une personne après sa mort, pour qu'elle soit considérée comme étant un saint, c'est-à-dire qu'après qu'elle a été canonisée, la personne, on a le droit de le prendre comme un intermédiaire et de demander à Allah par sa faveur et par ses prodiges, etc. Et donc on a compris que ça, c'est complètement contraire à l'islam, ça n'a aucun rapport. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a lui-même expliqué dans son livre qu'est-ce que c'est un wali, ou qu'est-ce que c'est un awliya, les gens qui sont rapprochés d'Allah. Hein? Et il nous a dit dans un verset dans le Coran, il dit, et le chef il explique en premier, il dit, awliya Allah, هم المؤمنون المتقون les gens qui sont rapprochés d'Allah, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont qui? Ce sont les croyants qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit ça dans le Coran, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Certes, les alliés d'Allah ou les gens rapprochés d'Allah, ce sont, non, certes, les alliés d'Allah, nulle crainte, ni tristesse ne sera à les atteindre. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont eu la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit, toute personne qui est croyant et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est un wali, il est un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire at-taqwa? Qu'est-ce que ça veut dire at-taqwa? At-taqwa, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est traduit de cette façon. Sauf que, il a une signification aussi plus, il y a un sens à ça. Et qu'est-ce que ça signifie craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, comme les ulama l'ont expliqué. Ça veut dire que tu fais ce que tu dois faire pour éviter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'éloignes de faire tout ce que tu peux te rapprocher du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est en d'autres mots aussi, comme les ulama ont expliqué, c'est que tu prennes une wiqaya, tu prends une protection entre toi et tout ce qui peut t'amener au châtiment d'Allah, en faisant les actes qu'Allah t'a ordonné de faire et en t'éloignant des choses qu'Allah t'a interdit de faire. Donc, comme par exemple le froid, l'hiver, tu veux te protéger du froid, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une protection contre le froid, c'est-à-dire tu vas te mettre un manteau pour te protéger du froid. Donc, c'est la même chose pour le châtiment de l'enfer. Tu vas te prendre un manteau, ce manteau-là c'est quoi? C'est de faire les actes que Allah t'a ordonné et de t'éloigner des péchés. Et la même chose aussi, l'été si tu as trop chaud, tu veux te protéger de la chaleur, tu te couvres ou tu te protèges par l'ombre. Hein? Donc ça aussi c'est une forme d'exemple pour que les ulama ont expliqué pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est at-taqwa. Et donc être un muttaqi, c'est exactement ça. Hein? C'est se rapprocher d'Allah en faisant ce qu'il nous a ordonné et s'éloigner de faire ce qu'il nous a interdit. Et aussi une chose qu'on doit comprendre, c'est que bien entendu le mu'min, le croyant, ça ne veut pas dire qu'il est ma'soum, il n'est pas infaillible. Ça veut dire que le croyant, il peut faire des péchés, il peut tomber dans les péchés. Donc, ça ne veut pas dire que si tu fais un péché, tu n'es plus un wali, ou tu n'es plus un croyant. Tu es quand même un croyant tant que tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala et tu demandes pardon pour ton péché. Donc, le fait de faire un péché, ça ne te fait pas sortir automatiquement d'être un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme certains parmi les soufis, qui ont donné une définition ou une compréhension totalement erronée de ce que signifie al-wilaya, c'est-à-dire pour eux un être infaillible et parfait qui ne peut jamais faire d'erreur et qui a une connaissance du raid et qui fait des miracles à volonté, hein, de toute façon, et puis qui peut agir d'une façon vraiment complètement absurde ou complètement folle, et quand même ces gens-là le considèrent comme étant un wali, comme par exemple dans les livres de certains des soufis qui décrivent les personnalités qui ont été des awliya selon eux, ils mentionnent certains parmi eux qui, par exemple, un qui s'appelait, je me rappelle si c'était pas Ibrahim al-Uryan. Ibrahim al-Uryan, c'est un homme qui faisait le khutbah sur le minbar et qui enlevait tous ses vêtements. Il se tenait nu devant les gens et ils disent, ce gars-là, il était un wali. Parce que, donc c'est des exemples de ce genre. Le premier des awliya, c'est les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, les sahaba, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et tous ces gens-là sont les premiers, les plus grands parmi les awliya aussi. Et tous les mu'minins qui sont venus après parmi les ulama d'Ahl Sunnah, et tous les autres qui nous ont suivis, juste aujourd'hui, on est tous, Inch'Allah, on essaie d'être des awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire des gens qui croient en Allah et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, comme le cheikh a expliqué, selon son niveau de piété et son niveau de foi, on a des différents niveaux de wilaya, différents niveaux de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tout le monde qui sont aussi près d'Allah subhanahu wa ta'ala que les prophètes, que les anges, que les ulama, que les mu'minines. On a, quelqu'un peut être plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quelqu'un peut être aussi plus loin d'Allah selon son niveau de foi, selon son niveau de, et selon son niveau de piété. C'est pour ça qu'il y a des degrés aussi dans le paradis. Ceux qui sont plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala vont être plus élevés dans le paradis, et ceux qui vont être moins forts dans leur foi et dans leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala vont être plus bas dans le paradis. C'est obligé de faire des miracles? Non. C'est pas une condition pour être un wali de faire des miracles, et ça le cheikh va l'expliquer dans ce qui suit maintenant. Donc le cheikh dit « فَكُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍ فَهُوَ وَلِيٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ بِقَدْرِ إِيمَانِهِ وَتَقْوَاهُ وقد يظهر الله على يديه من خوارق العادات وهي ما يسمى بالكرامات. Donc le cheikh dit, toute personne qui craint Allah et qui est croyant, alors il est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la force de sa foi et de sa crainte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible que Allah, il est possible qu'il fasse paraître en lui des certains miracles et on les appelle karamat. Parce que on appelle pas, on les appelle pas des miracles pour autres que les prophètes. Oui. On les appelle karamat. Donc le chef il explique, il dit, fal karama amr khaliq lil ada yujrihi Allah ala yadi ba'd as-salihin min atba' ar-rusul ikraman min Allah lahu bi barakatin ikraman lahu bi barakati ittiba'ihi lir-rusul salawatullahi wa salamuhu alayhim. Donc, le chef, il donne la définition de qu'est-ce que c'est une karama. Qu'est-ce que c'est une karama? Il dit que c'est une chose qui est hors de l'ordinaire, qui sort de l'ordinaire, et que Allah subhanahu wa ta'ala permet à certains parmi les gens qui ont suivi les prophètes et qui sont vertueux, qui sont pieux, il leur permet de faire ces choses-là. Et ça, c'est comme une sorte d'honneur et une bénédiction pour ces gens-là d'avoir suivi les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça la définition que le cheikh donne de qu'est-ce que c'est une karama. C'est des gens qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont pieux, et Allah, pour comme une sorte de bénédiction qu'il leur donne, il leur permet de faire ça. Mais le cheikh il explique un point par la suite, il dit « لَيْسَ كُلُّ وَلِيٍ تَحْصُلُ لَهُ كَرَامَةً وَإِنَّمَا تَحْصُلُ لِبَعْضِهِمْ إِمَّا لِتَقْوِيَةِ إِيمَانِهِ أَوْ لِحَاجَتِهِ أَوْ لِإِقَامَةِ حُجَّتِهِ عَلَى خَصْمِهِ الْمُعَارِضُ فِي الْحَقِّ المعارض على خصمه المعارض في الحق. Donc le chef il dit c'est pas tous les awliya à qui Allah subhanahu wa ta'ala leur fait faire des miracles, et ça peut arriver à certains d'entre eux parmi les awliya pour renforcer sa foi, hein? Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala permet à certains parmi les awliya il leur permet de faire des karamat dans le but de renforcer sa foi personnel, dans le but d'être plus convaincu de Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple, on a su dans le Coran de la Sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre l'exemple que Ibrahim, alayhi salam, demande à Allah de lui montrer comment il fait revivre les morts. Et donc, il lui a demandé de prendre des oiseaux, quatre oiseaux, et de les couper, déchirer, puis de mettre chaque une partie sur quatre montagnes, et puis de les appeler, et puis ils sont venus à son appel, et quand il a demandé ça à Allah, Allah lui a demandé « Awalam tu'min » Est-ce que n'es-tu pas un croyant? Il a dit « Qala bala walakin liyatma'inna qalbi » Non, oui, certes, je suis un croyant, mais je veux renforcer et apaiser ma foi, hein, la renforcer. Donc ça, c'est un exemple. Par la suite aussi, une autre raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer ou donner à quelqu'un une karama, c'est parce qu'il en a besoin ou bien parce qu'il veut établir une preuve contre ses opposants dans la vérité, ceux qui ont opposé la vérité. Par la suite, le cheikh dit « وَالْأَوْلِيَا الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ كَرَامَةً لَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى نَقْصِهِمْ كَمَا أَنَّ الَّذِينَ وَقَعَتْ لَهُمْ الْكَرَامَةً لا يدل ذلك على انهم افضل من غيرهم. Donc le cheikh il explique ici un point important qui nous fait voir aussi les déviations de certains des soufis, dans lequel il dit que al-awliya ceux qui, les gens se sont rapprochés d'Allah et que Allah ne leur a pas fait faire de miracles, ça ne prouve pas qu'ils sont plus faibles dans leur foi. De la même façon que si un wali, Allah lui a permis de faire un miracle, ça ne prouve pas non plus qu'il est meilleur que les autres. Parce que si on regarde par exemple s'il y a eu parmi les grands sahaba, parmi Abu Bakr, Omar, Othman, et les, ces gens-là, et, il y a pas, ils n'ont pas fait de grands miracles. Ils n'ont pas fait de miracles. Par contre, des gens qui sont venus par la suite, Allah leur a permis de faire des miracles alors qu'ils sont plus bas que dans, moins rapprochés d'Allah que ces gens-là. Donc ça veut dire que le fait qu'un wali puisse faire un miracle, ça ne prouve pas qu'il est meilleur, et le fait qu'un wali ne fasse pas de miracle aussi, ça ne prouve pas qu'il est en bas ou inférieur à celui qui en a fait, qui en a fait un. Après, le chef, il continue, il dit, كرامات الأولياء حق بإجماع أئمة الإسلام والسنة والجماعة وقد دل عليهم القرآن الكريم والسنة الصحيحة وإنما ينكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم وهذا إنكار لما هو ثابت في القرآن والسنة. Donc le chef il explique que les miracles des gens qui sont rapprochés d'Allah ou des alliés d'Allah est véridique, c'est vrai, on doit y croire, et ça c'est accepté par tous les imams, et il y a un ijma à ce sujet, c'est-à-dire il y a un consensus parmi les imams de l'islam et de la sunna wal jama'a. Et aussi, c'est prouvé par le Coran et par la Sunna authentique. Et ceux qui l'ont rejeté ou qui ont refusé de croire à ça, c'est uniquement des gens de bid'ah parmi les Mu'tazila, les Jahmiya et ceux qui les ont suivis. Ces gens-là ont nié les prophètes, les miracles. Ils ont nié les miracles. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de ces gens-là même parmi certains auteurs contemporains qui nient les miracles des prophètes et des gens pieux. Comme par exemple, je me souviens même quand j'étais plus jeune, j'étais à l'école, avant même d'avoir accepté l'islam, j'avais un cours d'enseignement religieux, et parmi les exemples qu'un de nos professeurs nous avait donné, pour essayer de parler du miracle de Moussa, alayhi salam, nous avait montré l'exemple que Moïse, quand il a traversé la mer rouge, il était passé par un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la mer rouge. Donc c'est une façon scientifique d'essayer d'expliquer le miracle. C'est un de leurs méthodes pour essayer de nier les miracles, c'est d'essayer de les interpréter d'une façon scientifique ou de leur donner de les rationaliser. Hein. Et ça, c'est une forme en réalité de négation des miracles. Hein, ou de dire que Isa il a marché sur l'eau, comme dans la Bible c'est écrit ça, qu'il avait marché sur l'eau, ils essaient de nier ça en disant ah ben la mer est salée, la mer morte est salée, donc c'est très facile de flotter dessus, donc c'est pas un réel miracle. Et un ama de l'islam a récité cette idée-là au propos de Moussa, il a dit Subhanallah, s'il est passé par un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau, comment il a fait pour noyer Pharaon et toute son armée? Subhanallah. Donc ça c'est des exemples comment ces gens du bid'ah, le Mu'tazila, on sait qu'ils font passer leur aql, leur raison, et ils l'utilisent pour juger le Coran et la Sunna. Donc ils disent ce que notre aql accepte du Coran, on le prend, mais ce que notre aql refuse du Coran ou de la Sunna, on le rejette. Donc c'est-à-dire ils ne croient pas réellement en le Coran ou la Sunna, mais ils croient en leur aql. Hein? Et leur raison est, comme on sait, yani, complètement égarée. Par la suite, le chef il continue, il dit, فَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قِصَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَقِصَّةُ مَرْيَمِ. Donc, parmi les preuves du Coran, que Allah a pu permettre à certains rapprochés de lui de faire des miracles, l'exemple de أَصْحَابُ الْكَهْفِ, les gens de la caverne dans Surat al-Kahf, et l'exemple de Maryam, hein, la mère de Isa. Allah SWT lui a permis de faire des choses, des prodiges, des miracles. Aussi des exemples dans As-Sunna As-Sahiha, مثل نزول الملائكة كهيئة الظلة في أمثال السرج السرج لاستماع قراءة أسياد بن حضير رضي الله عنه وسلام الملائكة على عمران ابن حسين رضي الله عنه ولها أمثلة كثيرة. Donc il y a beaucoup d'exemples de ça dans As-Sunnah aussi. Pour certains parmi les Sahaba par exemple, lorsque un d'entre eux lisait le Coran, les anges descendaient comme la forme d'un nuage et se tenaient au-dessus de lui lorsqu'il lisait le Coran. Ou bien le fait que certains parmi les anges saluaient Amran ibn Hussein radiallahu anhu et lui donnaient le salam. Et il y a d'autres exemples de ça aussi. Et ça, les deux exemples sont rapportés dans des hadiths authentiques dans Al-Bukhari et dans Muslim. ومن أراد الاطلاع على هذه المسألة فليراجع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ يدان كونسيي يدي celui qui veut retourner et avoir plus d'explications de ce point-là, il peut retourner au livre d'Ibn Taymiyyah qui s'appelle Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et qu'est-ce que ça signifie le titre de ce livre-là? Ça veut dire le discernement entre les alliés de Ar-Rahman, Allah SWT, et les alliés du Shaytan, hein, les alliés du Shaytan. Et dans ce livre-là, Ibn Taymiyyah, mashallah, il a récité beaucoup d'idées des soufis, hein, qui ne font pas la distinction entre qui est un wali d'Allah SWT et qui est un wali du Shaytan. Donc, eux, ils prennent les magiciens et les charlatans comme étant des awliya, juste parce qu'ils font toutes sortes de trucs de magie et toutes sortes de choses de ce genre. Donc, on va, le cheikh, il va en parler ici. وقد حصل في موضوع كرامات الأولياء التباس وخلط عظيم على بعض الناس، فطائفة أنكروا وقوعها ونفوها بالكلية وهم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، فخالفوا النصوص وكابروا الواقع، وطائفة غلط في إثباتها وهم العوام المغرر بهم وعلماء الضلال، فأثبتوا كرامات للفجرة والفساق ومن ليسوا من أولياء الله بل هم أولياء الشيطان، واعتمدوا في إثبات ذلك على الحكايات المكذوبة والمنامات والخوارق الشيطانية، فادعوا الكرامات للسحرة والمشعوذين والدجالين من مشايخ الطرق الصوفية والمخرفين، حتى عبدوهم من دون الله أحياء وأمواتا، وبنوا الأضرحة على قبور من يزعمون لهم الولاية ممن حكيت لهم الدعايات العريضة ونسب إليهم التصرف في الكون وقضاء حوائج من دعاهم وطلبوا منهم المدد واستغاث بهم، وسموهم الأقطاب والأوغاط بسبب تلك الكرامات المزعومة والحكايات المكذوبة. Donc le cheikh il explique ici, il dit qu'il y a deux groupes qui ont dévié au sujet des miracles des gens parmi les awliyas. Donc, il y a deux groupes qui sont déviés au sujet des miracles et awliyas. Un groupe, ils ont nié que ça pouvait se produire en entier. Ils ont tout nié et ça c'est Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Ils ont contredit les preuves des textes du Coran et de la Sunna et ils ont fait preuve d'orgueil vis-à-vis la réalité. Et un autre groupe a exagéré dans l'affirmation des karamats, et ce sont les gens ordinaires, parmi les musulmans simples, qui n'ont pas de connaissance de l'islam dans sa réalité, et les savants de l'égarement. Donc ces gens-là, ils ont affirmé les karamats, les miracles, même pour les gens qui sont des pervers et des gens qui n'ont rien à voir avec des gens qui sont rapprochés d'Allah. Même que ce sont des gens qui sont rapprochés du shaytan, et qui sont des alliés du shaytan en réalité. Donc, ils se sont basés pour affirmer ces miracles-là sur toutes sortes de racontages, des histoires mensongères, et sur des rêves parfois, et toutes sortes de choses qui sont faites par les gens qui suivent les shayatines, comme la magie, et les gens qui prétendent connaître l'avenir, et des choses de ce genre. Une fois, mais j'avais entendu une histoire d'une personne qui était avec les soufis et qui a quitté ces gens-là et qui est revenu à la sunna. Et quand il a quitté, je pense que ça, il était là avec moi, il a entendu, quand il a quitté les soufis, il est allé voir son chef et là, il a dit, vous prétendez connaître l'invisible, l'inconnu. Alors il dit oui, le cher Soufi a dit oui, je connais l'invisible, même mon fils de 10 ans, il connaît l'invisible. Alors il a dit, si tu veux, tu peux faire un test. Alors il a dit à son fils, il a dit, prends quelque chose, cache-le derrière ton dos. Là, il a pris un stylo, il l'a mis derrière son dos. Alors il a dit à son fils, avant que pour informer son fils de qu'est-ce que... pour informer son fils de qu'est-ce qu'il avait dans son dos, il lui a dit 3 phrases. Mais chacune de ces phrases commence par une lettre Qaf, Lam et Mim. Mais la personne qui entend, qui connaît pas le truc, elle va pas comprendre. Donc, il dit à son fils Qum. Et après, il lui dit par exemple, la ta'jaz. Donc ça c'est le lam et le mim. Il lui disait une autre phrase par la suite. Et là le fils, lui tout de suite, il comprenait « Ah, qaf, lam, mim, qalam ». Alors ça veut dire qu'il a un stylo. Alors il lui répond, il disait « Il a un stylo derrière son dos ». Donc par la suite, il était retourné voir, il est allé voir son fils plus tard. Il a dit « Mais écoute, comment t'as fait pour savoir ce qu'il y a derrière mon dos ?» Et là le fils lui a informé, il lui a dit « Écoute, je savais parce que mon père, il m'a dit 3 choses, et j'ai pris les 3 lettres dans la phrase, et je savais que derrière son dos, il tenait un stylo. Donc ça, c'est un de leurs trucs, et ils ont beaucoup d'autres trucs de ce genre, il y a parmi les khurafat et les choses de ce genre qu'ils font. Donc parmi eux, il y en a aussi, comme dans Tariqa al-Rifa'iyya, ou bien d'autres, Turuq, qu'est-ce qu'ils font pour montrer qu'ils sont des awliya? Ils prennent des tiges de métal, ils se les plantent et se transpercent les joues avec ou bien des parties du corps et ils rentrent ces choses-là à travers leur chair pour montrer que ils sont des awliya. Yani subhanallah, est-ce que des prophètes ou des gens parmi les gens salihin faisaient des choses de ce genre pour montrer qu'ils étaient des awliya rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ce cheikh-là qui a fait tawba, qui est revenu à l'islam et à la sunna, il a expliqué que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une tige de métal bien affilée, effilée et bien lisse, et lorsqu'ils le transpercent la chair, c'est tellement lisse que ça ne laisse aucune marque et ça rentre vraiment facilement dans la chair. Et la personne qui rentre le grill aussi ou la tige, il sait exactement où la rentrer et comment la rentrer pour que ça fasse pas saigner ou que ça fasse pas de ça passe pas à travers une veine, oui c'est ça. Donc c'est des trucs qu'ils utilisent en fait pour tromper les innocents, les gens faibles d'esprit. Et donc ça n'a rien à voir avec les awliya, ça n'a rien à voir avec le karamat, le miracle. Donc les gens qui se laissent tromper par ces choses là sont des gens en réalité qui sont égarés par le shaitan. Et même les mushrikins, parmi les bouddhistes et d'autres gens de d'autres religions d'égarement, ils font toutes sortes de trucs de ce genre aussi. Et même j'ai assisté à ça même une fois à la télévision, où des bouddhistes marchaient sur des morceaux de braise allumés et ils ne sentaient pas la douleur. Ou certains d'entre eux même, ils touchaient à du métal en fusion. Rapidement, puis ils se brûlaient pas, ou des choses de ce genre. Et en Haïti même, on a vu des gens qui font des trans dans le voodooisme, et ils rentrent en trans, et puis là, ils peuvent marcher sur de la vitre, ou même manger de la vitre, et puis ils ne sentent pas les effets. Et on a vu, Na'am, ils rentrent avec les djinns, ou bien, il y en a même des magiciens qui sont des gens ici, là, qui prennent du métal ou des lames de rasoir, qui les avalent, qui avalent des sabres, qui mangent du feu, toutes des choses de ce genre-là, qui n'ont rien à voir avec les miracles des gens pieux et animés. Ces gens-là utilisent ces trucs-là pour tromper les gens et pour leur faire croire qu'ils sont des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le chef, il donne ça comme exemple, et après, il dit, ces gens-là, ils ont prétendu faire de ce genre de miracle-là, et ça c'est les chouyoukhs des turuq soufiyya, qui sont des gens qui sont des charlatans et des gens qui inventent des superstitions, jusqu'à ce que les gens croient que ce sont des gens rapprochés d'Allah, et les, bien entendu les ignorants leur font de la publicité, hein, ils font courir ces rumeurs parmi tous les gens. Et donc, quand ils meurent, ils bâtissent sur leur tombe des constructions, des monuments, des sanctuaires, pour que après leur mort, ces gens-là aillent les visiter et demandent leur faveur et demandent aux gens de remplir leurs besoins et leurs nécessités. Hein. Et ça, c'est l'aqida des Ahbash et des Soufis et des autres parmi les gens de Kufr et de Dalal. Hein. Et ça, c'est des choses auxquelles ils appellent les gens à suivre. Yani. Ils les appellent aussi Al-Aqtab, hein, ou Al-Awras. Ça, ce sont les noms qu'ils leur donnent, alayhi salam, et ces histoires-là. Les personnes qui font les miracles, font les prières normales avec les gens normaux. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont des awliya ou shaitan? Non. On les voit sur la prière comme. Comme nous, mais je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par miracle. Tu veux dire les gens qui font les avec qui se piquent avec des aiguilles, ouais, qui font des choses comme ça. Non, ça c'est pas des miracles. Qu'est-ce qu'ils font? Ça c'est des. Il y a des gens qui partent avec les aiguilles, qui vont dire ok, moi je vais soigner telle personne. Il va rentrer avec les yeux, je sais pas quoi. Non, ça c'est haram, tout ça c'est de la magie. Imagine, il fait la prière, c'est bizarre. Oui, mais il peut même faire la prière, faire le hajj, faire tout ce qu'il veut, mais ça signifie rien. S'il n'a pas, c'est pour ça que nous, quand on a expliqué le tawhid depuis le tout début, on explique que tes actions ne peuvent pas être acceptées, par deux conditions. Premièrement, qu'elles soient faites uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, qu'elles soient faites selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces gens-là, ils n'ont ni un ni l'autre. Comment on pourrait dire que leur action serait acceptée? Non. Il se met avec les gens pour faire la prière, et là, après, ils se prétendent qu'ils sont chrétiens. Exactement. Eux, ils prient dans le but, justement, de ne pas se faire accuser, ou de pas de, pour pas que les gens disent, moi, ces gens-là, ils prient pas. Et parmi eux, il y en a qui prient pas. Effectivement, il y en a qui prient pas. Et qui disent, nous, on n'a pas besoin de prier, on a atteint le yaqin. Donc, ça y est, khalas. Hein? Et on a le kun fayakun. Il y en a qui prétendent même avoir le kun fayakun. Ils peuvent créer comme Allah subhanahu wa ta'ala, ou faire ce qu'ils veulent. Avoir un contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans la création. J'ai rencontré un musulman à Montréal, un gars qui se dit musulman à Montréal, un Sénégalais. Qui dit que son frère a atteint le niveau de Kun Fayakun, hein, et qu'il croit au Rijal al-Ghayb et des choses de ce genre. Donc, Alhamdoulilah, il y a un cheikh qui s'appelle Mohamed Ahmed Lo, du Sénégal. Il a écrit une thèse, sa thèse de doctorat sur ce sujet. Taqdis al-Ashraf, c'est le secret soufi. La sanctification des hommes ou la vénération des hommes dans la pensée soufiste. Et dans son livre, il a expliqué tous ces détails-là, tous ces exemples-là, en citant de leur livre à eux, et en donnant des exemples de qu'est-ce qu'ils ont expliqué eux-mêmes. Et donc, on voit exactement toutes ces histoires-là, tous ces exemples-là sont mentionnés. La plus sur la Shraf, c'est que le Soufi, il est en deux volumes. C'est un élève, un des élèves qui a gradué à l'Université islamique d'Al-Madina al-Munawara. Il a fait il a étudié là-bas en tout, je pense, en plus de 12 ans. Non. Il était avec eux. C'est-à-dire, il a grandi au Sénégal, mais par la suite, il a quitté pour étudier à Sunna et tout. Non. Il y a beaucoup de groupes soufis. Soufia là-bas, Sijaniya, Mourid, Al-Mouridiya, Al-Qadiriya et beaucoup d'autres. Yani. Donc, celui dont je parlais tout à l'heure, là, c'est à Montréal, il est Sijani, mais il suit Ibrahim Niass, c'est un de ses descendants, de ces gens-là qui s'appelle Ibrahim Niass. Et lui-même, il prétendait lui-même être, pas lui, mais Ibrahim Niass, le chef qu'il suit là, il prétendait avoir reçu Al-Kun Fayakun, et il prétendait qu'il prétendait toutes sortes de ces idées-là, et Allah. Soit et fait. C'est l'ordre divin, l'impératif de être, oui, le verbe impératif, c'est-à-dire soit et fait. Non, c'est-à-dire, Allah, quand il a voulu créer Isa, قال له كن, c'est-à-dire, il l'ordonne d'être, d'exister, non, est et fait. C'est-à-dire, non. Donc, ça, c'est un de. Ça s'appelle taqdir al-ashkhar. Taqdir al-ashkhar. C'est le fikr soufi. Les ulama ont dit beaucoup de bien sur son livre. Et il a, quand il a fait sa munaqasha dans l'université, j'ai assisté à la fin, et c'est un de ses mushrikines dans sa recherche, un de ses professeurs, c'était Cheikh Saleh Suhaimi, un des grands ulama de. Les salafiyins de Al-Madina Munawwara, et ils lui ont donné le degré d'excellence, ça s'appelle. Donc, Alhamdulillah, yani, il a été publié, la première édition, elle est complètement épuisée, et là, ils ont fait une deuxième édition, et puis, mashallah, son livre a été vraiment accueilli avec beaucoup de bien. Yani. Il n'a pas été traduit, mais des passages du livre ont été traduits. Peut-être qu'un jour, Inch'Allah, une personne va être capable de traduire, mais c'est beaucoup de travail. C'est un gros travail. Donc le chef, il continue à dire, فَقَدْ اتُخِذَتْ دَعْوَ الْكَرَمَاتِ ذَرِعَةً لِعِبَادَةِ مَنْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ وَرُبَّمَا سُمُّوا الشَّعْوَذَ وَالتَّجِّيلِ وَالسِّحْرِ كَرَامَةِ لأنهم لا يفرقون بين الكرامة والأحوال الشيطانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإلا فمن المعلوم أنه حتى من ثبت أنه ولي لله بنص من القرآن أو السنة وإن جرى على يده كرامة من الله فإنه لا يجوز أن يعبد من دون الله ولا أن يتبرك به أو بقبره لأن العبادة لله حق لله وحده. Donc le Cheikh il dit que, comme on a expliqué, ces miracles-là ont été pris comme une excuse pour les adorer et pour adorer ceux à qui on a attribué ces miracles-là. Et comme on a dit, beaucoup d'entre eux ils déclarent comme étant la magie comme étant un miracle ou des choses de ce genre. Et ils ne font pas la distinction entre les vrais miracles et les choses qui sont produites par les shayatins. Et ils ne font pas la distinction entre les awliya d'Allah et les awliya de Shaitan. Et le chef il donne un point et il dit que même ceux pour qui le fait d'être rapproché d'Allah a été établi par une preuve du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire parmi les sahaba et les prophètes et de ces gens-là, même si Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'un d'entre eux était un wali ou qu'il était rapproché d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça ne nous donne pas le droit de les adorer en dehors d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc même si on sait que c'est vrai, c'est pas une excuse pour nous d'aller les voir pour les adorer et de leur demander quoi que ce soit. Donc imaginez pour celui qui est même pas un wali d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est un wali du shaytan, et qu'on le prend puis on essaie de lui demander l'intermédiaire, ça c'est une forme d'égarement. Le chef dit « وَهُنَاكْ فُرُوقْ بَيْنَ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَا وَالْخَوَارِقِ السَّحَرَ وَالْمُشَعُوذِينَ وَالدَّجَّالِينَ وَمِنْهَا أَنَّ كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَا سَبَبُهَا التَّقْوَى وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَأَعْمَالُ الْمُشَعُوذِينَ سَبَبُهَا الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْفُجُورُ. Donc parmi les distinctions entre les miracles des gens rapprochés d'Allah, la cause de ces miracles c'est la crainte d'Allah les bonnes œuvres et la yani, tandis que les mocharoudines, les charlatans et ces gens-là, la cause de leur les trucs qu'ils jouent, c'est le kufr, la mécréance et la perversité. Par la suite, je vous donne un autre exemple de distinction, c'est que karamat al-awliya yusta'anu biha 'ala al-birr wa al-taqwa wa 'ala umur mubaha wa a'mal al-mushawwizin wa al-dajjalin yusta'anu biha 'ala umur muharrama min al-shirk wa al-kufr wa qatl al-nufus. Et parmi les distinctions qui font les choses qui distinguent entre les miracles des gens rapprochés d'Allah, c'est qu'on les utilise pour nous aider dans ce qui est bien, dans la crainte d'Allah et pour les choses qui sont permises. Tandis que les actions de ces magiciens, de ces charlatans-là, de ces menteurs, eh bien, ils sont aussi utilisés pour faire des choses qui sont totalement haram, ou qui rentrent dans le shirk et dans le kufr, même pour tuer les gens. Comme par exemple la magie et les sorcelleries et les choses de ce genre, peut-être que certains d'entre les gens vont aller voir ces gens-là pour leur demander j'ai un problème avec telle personne, est-ce que tu peux lui faire du mal ou lui nuire ou lui envoyer un mauvais sort, comme ça je vais être épargné de lui ou des choses de ce genre. Ça c'est un exemple qui, yani, ils le font réellement. Yani, combien de fois j'ai entendu certains là qui me disent ça, là, si tu n'arrives pas, je vais te marabouter. Yani. Donc, si vous te dites, je vais aller voir un marabout là, il va t'envoyer un mauvais sort. Et ça, c'est des paroles de quelqu'un qui se dit musulman. Non, non, c'est pour dire que ces gens-là, leur action, c'est pas pour al-birr wa taqwa, c'est pas pour le bien et pour la crainte d'Allah, mais c'est pour le mal et c'est pour les actions comme les gens qui suivent al-shayatin. Wa minha anna karamat al-awliya taqwa bi zikrillah wa tawhidih wa khawariq al-sahara wal-mushawizin تبطل وتضعف عند ذكر الله وقراءة القرآن ممن كان على التوحيد. Le Cheikh donne une autre distinction, c'est que les miracles des gens qui sont approchés d'Allah, elles sont renforcées par la lecture du Coran et par le rappel d'Allah et par le tawhid. Tandis que les trucs des magiciens et de ces gens-là, eh bien, c'est le contraire. Lorsqu'on récite le Coran ou lorsqu'on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'affaiblit. Hein? Et parmi les exemples que j'ai entendu souvent, c'est qu'une fois, une de ces magiciens-là faisait un truc de ce genre pour tromper les gens, et quelqu'un a commencé à lire le Coran, et là, quand il lisait pas le Coran, il sentait pas la douleur de quand il faisait son truc, que ce soit par exemple de se transverser, ou de manger des choses, ou de faire des choses qui peuvent en temps normal, ça l'aurait vraiment fait mal. Mais là, quand il commençait à lire le Coran, il a lu Ayat al-Kursi, et là, la personne a commencé à crier et à sentir la douleur. Donc, c'est pour montrer que le shaitan était, peut-être le shaitan, le djinn qui était en lui, est sorti, donc il a senti cette douleur. Ça, j'avais lu dans, je pense que même c'est tiré du livre de Ibn Taymiyyah. Non. Le wudu, oui, que quelqu'un a fait le wudu, que. Non. Oui, ouais, ok, c'est ça. C'est parmi nous, je pense que c'est l'exemple aussi qui est arrivé avec Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a eu son débat avec les soufis. Les soufis l'ont amené voir le juge pour essayer de le faire arrêter, parce que Ibn Taymiyyah parlait toujours contre eux et contre leurs mensonges. Donc eux, ils se sont plaints à l'amir, aux dirigeants. Donc, lui on dit justement, nous on est capable de passer dans le feu ou des choses de ce genre. Et puis là, Ibn Taymiyyah a dit, d'accord, moi si je veux passer dans le feu, mais vous allez passer dans le feu, moi je vais passer dans le feu. Sauf que avant ça, vous allez vous laver avec un genre de vinaigre et des choses de ce genre-là. Parce que, il dit, vous, je sais que ce que vous faites, vous mettez une sorte d'huile là, une sorte de produit sur votre peau, pour une crème, pour empêcher le feu de vous brûler. Alors, on va le faire tous les deux, mais sauf à condition que vous vous lavez avec ce vinaigre-là ou ce produit-là pour enlever tout. Et là, ils l'ont fait, et puis, effectivement, ils se sont fait brûler, par le feu. Il est passé aussi, il a fait un doha, j'ai demandé la protection d'Allah, et il l'a prié passé, il s'est pas fait brûler. Donc, c'était l'exemple que Ibn Taymiyyah avait mentionné dans son livre. Après, il dit, وكما ذكرنا فإن أولياء الله حقا نعم فتبين بهذا أن بين كرامات الأولياء تهريجات المشعوذين والدجالين فروقا تميز الحق من الباطل كما ذكرنا فإن أولياء الله حقا لا يستغلون ما يجريه الله على أيديهم من الكرامات من نصب والاحتيال ولفت أنظار الناس إلى تعظيمهم وإنما تزيدهم تواضعا ومحبة لله وإقبالا على عبادته بخلاف هؤلاء المشعوذين والدجالين فإنهم يستغلون هذه الأحوال الشيطانية التي تجري على أيديهم لجلب الناس إلى تعظيمهم والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله عز وجل حتى كون كل واحد منهم له طريقة خاصة وجماعة تسمى باسمه كالشاذلية والرفاعية والنقشبندية إلى غير ذلك من الطرق الصوفية. Donc le cheikh il dit que ça clarifie bien clairement la distinction entre les miracles des gens qui sont proches d'Allah et les trucs des charlatans et des menteurs. Et ça montre la distinction entre la vérité et le mensonge. Et ensuite, le cheikh il dit que, comme on a mentionné, les awliya d'Allah, les vrais, ils n'utilisent pas ce miracle-là qui leur arrive pour se faire remarquer par les gens, pour se faire glorifier et pour faire que les gens les respectent ou les élèvent. Mais en réalité, ça leur augmente en humilité. Et en amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils augmentent dans leur adoration. Contrairement aux musha'awizin, ces charlatans et ces menteurs, eux ils utilisent ces choses, les trucs de magie qu'ils font pour tromper les gens, ils utilisent ça pour se faire vénérer et se faire respecter et glorifier par les gens, et ils utilisent ça pour rassembler et amener plus de gens vers eux. Et pour faire que les gens les adorent au lieu d'adorer Allah. Donc, c'est arrivé à un point tel que chacun de ces gens-là qui arrivent à faire ces trucs-là, eh bien, ils commencent à se faire une tariqa qui porte son nom. Comme par exemple, Al-Shaziniya, tiré de celui qui s'appelle Al-Shazini, ou Al-Rifa'iya qui s'appelait Al-Rifa'i, ou bien un Naqshbandiya, pour celui qui venait de Naqshband ou quelque chose comme ça. Donc chacun de ces gens-là, il se prend une tariqa pour essayer de dire aux gens de les suivre, comme Ahmed Tijan, ou Tijaniya, et ainsi de suite. Il a réalisé les termes, Turuq Soufiya, ou tous les autres aussi, d'autres Turuq Soufiya. Donc, Cheikh dit, « والحاصل أن الناس انقسموا في موضوع الكرامات إلى ثلاثة أقسام. » Donc là, il revient et il dit que les gens sont divisés en trois catégories au sujet des karamats. قسم غلوا في نفيها حتى أنكروا ما هو ثابت في الكتاب والسنة من الكرامات الصحيحة التي تجري على وفق الحق لأوليائه المستقيم. قسم غلوا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن السحرة والشعوذة والدجل من الكرامات واستغلوها وسيلة للشرك والتعلق بأصحابها من الأحياء والأموات حتى نشأ عن ذلك الشرك الأكبر بعبادة القبور وتقديس الأشخاص والغلو فيهم لما يزعمون لهم من الكرامات والخرافات. والقسم الثالث وهم أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا في موضوع الكرامات بين الإفراط والتفريط فأثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة ولم يغلوا في أصحابها ولم يتعلقوا بهم من دون الله ولا يعتقدون فيهم أنهم أفضل من غيرهم بل هناك من أولياء الله من هو أفضل منهم ولم تجري على يديه كرامة ونفوا ما خالف الكتاب والسنة من الزجر والشعوذة والنصب والاحتيال واعتقدوا من منع واعتقدوا أنه من عمل الشيطان وليس هو من كرامات الأولياء فلله الحمد والمنة على وضوح الحق واستباح الباطل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم والله تعالى أعلم. Donc ça, ça vient conclure. Là, on va terminer juste de traduire ce passage, puis après c'est terminé, inshallah. Donc, il a divisé les gens en trois catégories au sujet des karamas. Le premier, c'est ceux qui ont nié tout ce qui arrive des karamas. Ils ont nié ça, même si c'est confirmé par le Coran et la Sunna authentique, et même si ça vient et que c'est fait par les gens qui sont vraiment rapprochés d'Allah et qui craignent Allah. Le deuxième groupe, la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont exagéré dans l'affirmation des miracles jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre les magiciens et les charlatans et les menteurs comme étant des gens qui font des miracles. Et ils ont utilisé ces choses-là comme un moyen pour amener les gens au shirk et pour s'accrocher aux gens qui le font, qui font ce miracle-là, qui prétendent les faire, et qui prétendent que ce qu'ils font est un miracle, parmi les, qu'ils soient vivants ou morts. Ils ont pris ces gens-là comme étant des objets d'adoration. Et à partir de ça est venue une forme de shirk majeur, c'est-à-dire l'adoration des tombes et la vénération des personnes, et d'exagérer à leur sujet. Donc, étant donné qu'ils ont vu qu'ils ont fait ces miracles, ces trucs-là, de magie et autres, donc ils ont considéré que c'était des awliya et qu'ils faisaient des karamas. Donc, beaucoup d'entre ces gens-là, si tu critiques si tu critiques devant eux les gens qui ont fait ces choses-là, ils disent « Ah, toi tu nies les karamas » ou « Ah, toi tu es contre les pieux ou les awliya Allah ». Alors qu'en réalité, non, c'est même pas des awliya Allah. Et nous, on aime les awliya Allah. Nous, on les respecte. Mais le fait qu'on les aime et qu'on les respecte, ça ne veut pas dire qu'on doit les adorer. Hein? Donc, il dit, ah, vous ne respectez pas les salihin. Vous ne respectez pas les awliya. Et donc, nous, on leur dit, non, on les respecte. Mais respecter et adorer, c'est deux choses. Hein? Les aimer, c'est une chose, et les adorer, ça, c'est une autre chose. Et ça, nous, on rejette l'adoration d'autres que Allah. Donc c'est ça que le chef explique pour la troisième catégorie, ce sont Ahl al-Sunnah al-Jama'a, ceux qui ont été dans le juste milieu dans ce sujet-là, au sujet des miracles, ils n'ont pas exagéré au point de transgresser comme les soufis et les autres, et ils n'ont pas non plus rejeté ou nié la réalité de ces miracles, donc ils sont entre les deux extrêmes. Ils ont affirmé ce que Allah et son prophète ont affirmé, dans le Coran ou le Sunna, et ils n'ont pas fait d'exagération au sujet des gens qui ont fait ces miracles-là, ils ne se sont pas accrochés à eux, en dehors d'Allah SWT, et ils n'ont pas cru que ces gens-là sont meilleurs que les autres. Parce qu'il y a d'autres parmi les gens qui sont rapprochés d'Allah, qui sont bien meilleurs qu'eux, et qui n'ont pas fait de miracles. Hein? Et donc, après le chef, il dit qu'ils ont nié Ahl al-Sunna al-Jama'a. Ils ont rejeté tout ce qui a contredit le Coran et la Sunna parmi les actes de magie et de charlatanisme et des choses qu'ils ont inventées parmi les gens qui suivent le shaitan. Et ils ont dit ça, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les actes du shaitan. Et ça n'a rien à voir avec les miracles des gens qui sont alliés à Allah ou rapprochés d'Allah. Donc, le cheikh, il termine en disant que la louange est à Allah et le remerciement est à Allah pour avoir clarifié la vérité et d'avoir détruit le mensonge, pour que celui qui périsse après avoir vu clairement la vérité, et que celui qui vive et qui croit, et qui est sur la vie, la vraie vie, c'est-à-dire la foi, et bien qu'il vit avec la preuve qu'ils gagnent et qu'ils réussissent en se basant sur une preuve claire. Et Allah subhanahu wa ta'ala est audient et il sait toutes choses et Allah est mieux connaissant de toutes choses. Donc ça vient terminer le chapitre de la foi en les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la semaine prochaine, dimanche prochain, on va continuer le livre et on va commencer le chapitre du fondement numéro 5 des piliers de la foi, c'est-à-dire Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, la foi en les au signe, au jugement dernier et tout ce qui se passe après la mort. Pardon? Oui, demain il y a un dar. Demain puis mercredi il y a un dar. Demain c'est après l'Isha et mercredi c'est après l'Isha, inshallah. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Selon leur iman et leur taqwa. Non. Il n'y a pas un degré spécifique. Tandis que al-wilaya, le niveau par exemple d'être approché d'Allah, pour les soufis, hein, c'est quelque chose premièrement qui se transmet de père en fils, et c'est quelque chose qui se donne à volonté. C'est-à-dire, si un wali l'a reçu de son cheikh, mais lui il peut décider de le donner à qui il veut. Par un simple regard ou par un geste. Ouais. Hein? Donc, toi, là, il peut te rendre wali, là, juste en te faisant un clin d'œil ou en te regardant, et tu deviens un wali. Et il y a même un exemple qui est tiré dans leur livre, que j'ai trouvé dans Taqdis al-Ashkhas, le secret soufi, qu'un soufi est sorti de chez lui, il a regardé un chien, et le chien est devenu un saint pour les autres chiens, et donc tous les chiens venaient et ils appelaient à lui, et à sa mort, quand il a été enterré, le chien, les autres chiens allaient à sa tombe et ils allaient se rassembler pour lui demander des bénédictions. C'est quelqu'un qui s'appelle Soufi qui a écrit ça. Ça, c'est écrit dans les livres des Soufis. C'est pour te dire. Ouais, c'est pour dire que n'importe qui, ils peuvent le rendre un saint, même un chien. Il devient un chien. Et même un kafir, ils peuvent le regarder et tout de suite, il devient un wali pour les histoires. Ah, ça c'est clair. Non, c'est défié. Ah oui, il y a un lien entre les chiens et les soufis, de toute façon, ouais. Ils ont une origine commune. On va en reparler de ça, Inch'Allah. Ouais. On va arrêter, Inch'Allah.